tiens, le petit Lulu a des nouvelles. Donne Lulu et des Seychelles, y a de la joie partout. Et c'est le choix du fou. Dans les jardins du Luxembourg, deux hirondelles à vol d'amour modulent des mots doux. Et c'est le choix du fou. Non, le bonheur n'est pas fait pour les imbéciles. La terre vient de s'acheter 12 mois d'avril. C'est la géniale génération qui trouve qu'aimer n'est pas si con, qui met le feu partout. Et c'est le choix du fou. Pas besoin d'être friqué, d'être super sapé. Les pavés, y a toutes les îles, tous les baisers, tous les Brésils, y a de la joie partout, et c'est le choix du fou. Y a un jardin pour chaque enfant, des fleurs pour toutes les mamans, le cœur qui bat, qui boue, et c'est le choix du fou. C'est le choix du fou. Les écoliers ne sont plus en cours, à la récré ils se font la cour, et Jules Ferry s'en fout. Et c'est le choix du fou. Le bonheur qui passe ta bicyclette, je lui tire mon chapeau, c'est un jour de fête. L'ennui s'est barré, l'amour tient la barre, on rit sans compter à tous les comptoirs. Y a de la joie partout, et c'est le choix du fou. Tiens, y a des sourires de Grenadine, de Vladimir, de Ludivine. Y en a pour tous les goûts, et c'est le choix du fou. C'est la géniale génération qui trouve qu'aimer c'est tellement bon, qu'on doit le faire partout, et c'est le choix du fou. Viens. Car ça génère généralement un monde plus intelligent. Le plus fort, on s'en fout. On vote pour le plus fou. C'est la géniale génération qui trouve qu'aimer c'est pas si con, qui met le feu partout. Et c'est le choix du fou. Le bonheur qui passe est un bicyclette. Je lui tire mon chapeau, c'est un jour de fête. L'ennui s'est barré, l'amour tient la barre, on rit sans compter à tous les comptoirs.